Aime-moi-les. Ce sont de petits bisous qui me réveillent, sur le bout du nez, au coin des lèvres, partout sur mon visage. De petits bisous et la sensation du corps nu de Nathalie contre le mien. Elle bouge doucement, s'allonge sur moi, ses seins contre ma poitrine. Elle blottit son visage au creux de mon épaule. Son souffle est doux comme une caresse. Sans un mot, sans même ouvrir les yeux, je me glisse en elle et reste immobile. Le temps est comme suspendu. Puis un imperceptible frémissement parcourt son corps. Le frémissement devient ondulation, s'amplifie, se fixe au niveau de ses reins. Je m'entends gémir. Elle se redresse, pose les mains sur ma poitrine. Hormis son bassin qui ondule sur un rythme très lent, son corps est totalement immobile. Je sais qu'il ne faut pas que j'ouvre les yeux. Si je le fais, rien ne pourra empêcher qu'il plonge au fond des siens et que je m'y noie. J'entends son souffle qui s'accélère. Un léger gémissement, puis son chant et l'orgasme qui s'annonce. Elle doit être si belle. Je n'y tiens plus, il faut que je la voie. Les grands yeux bleus emplis de tendresse, le sourire d'ange et les longs cheveux blonds qui vaut le rythme de sa chevauchée ne me laissent aucune chance. Le monde explose en millions de morceaux, tandis que je crie et marque bout, manquant la désarçonner. Je retombe sur le dos, le souffle court. Morning, my love. Encore ailleurs, je balbutie. Bonjour, mon ange. Elle se blottit dans mes bras, contre mon torse. Sa voix est aussi douce que sa peau. Pour ne pas déchirer trop tôt le voile de magie qui nous enveloppe, elle murmure tendrement. Je crains qu'il ne faille se lever. Cette escapade dans les étoiles n'a hélas pas arrêté le temps. J'aimerais tant la suivre sous la douche, mais je sais bien que les inévitables câlins compromettraient le rendez-vous avec la surprise que je lui prépare. Après un dernier bisou, je regagne ce qui est officiellement ma chambre. C'est maintenant devenu un automatisme. Tout comme à Sanara, je dévaste consciencieusement le lit avant de passer dans la salle de bain. Grâce aux attentions de Paul et au talent de Nathalie, notre petit déjeuner est un moment exquis. Pour un non-initié, rien ne paraît plus simple à cuisiner que des pancakes, des œufs brouillés et du bacon. Je m'y suis plusieurs fois essayé et je sais qu'en fait, rien n'est plus difficile. C'est sans doute la raison pour laquelle Nathalie ne me laisse les fourneaux que lorsqu'elle ne peut faire autrement. Il nous faut ensuite charger le matériel dans le Pajero. Pas de personnel pour nous donner un coup de main. Nous sommes au Gabon. Lorsque nous démarrons, une pâle lueur pointe à l'horizon. Nos relevés d'aujourd'hui se situent en bout de plantation dans la zone nord-ouest de la défriche, après le village et la parcelle de Mwele. 3000 hectares défrichés mais non encore exploités. Pour y être venu des centaines de fois, je connais cet endroit comme le fond de ma poche. C'est une longue bande de savane arborée à peu près plate, de quelques 2 kilomètres de large. Dans la lueur des phares, une bifurcation en pattes d'oie. Je prends à gauche. Encore 5 minutes et nous arrivons dans une déclivité. Je stoppe à l'instant où le soleil se lève. Nathalie, à qui je n'ai encore rien dit, descend du véhicule et s'apprête à ouvrir le hayon pour décharger le matériel. Je la prends par la main. « Attends, je voudrais te montrer quelque chose. » Nous sommes au creux d'une vaste cuvette très peu profonde où la piste s'arrête. Devant nous, la pente remonte sur 100 mètres vers une ligne de crête derrière laquelle on ne voit que le ciel laiteux de l'aube. « Suis-moi. » Intriguée, elle saisit fermement ma main. « Ok. » Les graminées sont assez hautes, un peu au-dessus du genou. L'endroit a manifestement été visité. 2 traces parallèles mènent vers la crête. Entre les ornières, l'herbe a été couchée. Un véhicule est passé là récemment. À notre droite, la lumière se fait plus vive. Le soleil ne va pas tarder à émerger. Encore quelques pas et nous pourrons voir de l'autre côté ce que l'astre du jour éclaire déjà. L'émotion me noue les tripes. Je m'arrête. Nathalie se tourne vers moi. Mon visage doit être le reflet de ce que je ressens. John, tout va bien ? Une légère pression de mes doigts sur les siens pour la rassurer. Un sourire. Oui, ça va, mais je suis toujours aussi ému chaque fois que je reviens ici. Je le vois dans ses yeux. L'émotion est contagieuse. J'affirme ma prise sur sa main. Un pas, 2, 3 et... Et la chevelure de Nathalie flamboie. Son visage est illuminé par le disque d'or de l'astre qui se lève. Je n'ai pas besoin de regarder. Du moins pas tout de suite. Je sais ce qu'elle voit. Je n'ai Dieu que pour elle. Je ne veux rien perdre de son émotion. Dans l'instant, elle a le même visage que lorsqu'elle fait l'amour. La bouche grande ouverte, on la croirait en train de suffoquer. Elle est tétanisée. Sa main se crispe sur la mienne avec une telle force que ses ongles entrent dans ma peau. Son expression change graduellement. La suffocation devient sourire radieux et la pression de ses ongles s'atténue. Non parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était sur le point de me percer la peau, mais tout simplement parce qu'elle passe de la stupeur au ravissement. Elle lâche ma main. Lentement, ses genoux fléchissent, et lorsqu'elle s'assied sur ses talons, ses mains se joignent. Elle lève les yeux au ciel, transfigurée. Fascinée par le panorama qu'elle a sous les yeux, elle n'a pas un regard vers moi. Je m'agenouille près d'elle et, à regret, tourne la tête vers ce qu'elle contemple. Je pourrais vivre 1000 ans et retourner tous les jours à cet endroit. Ce serait chaque fois le même émerveillement. J'ai souvent cherché le ou les qualificatifs pour désigner ce paysage. Je n'en ai pas trouvé. Sans doute parce qu'il n'y en a pas. Et c'est pour la même raison que Nathalie ne dit rien. Nous sommes sur une crête qui se prolonge à perte de vue sur notre gauche en s'incurvant vers l'ouest. Sur notre droite, à quelques 500 mètres, la ligne de crête s'oriente vers le nord en s'abaissant brusquement. C'est la limite du plateau Bateke et le début de la plaine Bakongo. Nous sommes au sommet d'un immense amphithéâtre dont les gigantesques grades amorcelés par d'énormes ravines s'étagent sur un dénivelé de plus de 200 mètres. Par endroits, ne subsiste de cet escalier de géant qu'une succession de piliers de grès colossaux auxquels s'accrochent lianes et arbustes. Au-delà, à nos pieds, s'étend à perte de vue l'océan de la forêt primaire. Tels des vagues titanesques se brisant au pied d'une falaise, des géants aux branches drapées de lianes dans lesquelles s'effilochent des écharpes de brume luttent avec les premiers éboulis et montent à l'assaut du plateau. Ça et là, de rares clairières laissent deviner des fûts plus clairs auxquels s'accrochent 1000 variétés de lianes et d'épiphytes. De cette immensité humide, noyée dans la brume qu'elle génère, montent les cris et les appels de toutes espèces de singes qui se répondent en écho dans cette cathédrale végétale. Nathalie reprend ma main. Elle ne peut détacher son regard de cette splendeur, de ce berceau de vie. Je sens son émotion. Elle en vient presque à chuchoter. Tu te souviens des Everglades ? En comparaison, ce n'est qu'un jardin d'agrément. Cette forêt-là, depuis des millions d'années, nous sommes à l'aube des temps. D'un mouvement tout en souplesse, elle s'assied en tailleur. Je m'assieds près d'elle, passe un bras autour de ses épaules. Elle frissonne. « Tu as froid ?»« Non. J'ai la sensation étrange, angoissante, mais terriblement excitante que nous sommes seuls au monde. Nous sommes le premier, ou peut-être le dernier couple de l'espèce humaine. » Je comprends d'autant mieux ce que tu ressens que je suis venu ici des centaines de fois. Depuis 5 ans, rien n'a bougé. J'ai chaque fois la même émotion. La sensation d'être le seul être humain vivant sur cette planète. Aujourd'hui, nous sommes deux et c'est comme si nous entrions dans l'éternité. Elle laisse aller sa tête sur mon épaule. Tout à l'heure, quand j'étais à genoux, je remercie Dieu de nous donner tant de beauté. Tout comme les étoiles, on ne peut contempler cette forêt sans comprendre intuitivement que tout cela est son œuvre. Elle s'interrompt, me fixe. Pourquoi ce sourire ? Tu parles des étoiles et je pense à la leçon d'astronomie avec Gabriel, s'il était là. Je suis certain qu'il saurait rendre en quelques photos tout ce que nous ne pouvons exprimer avec nos pauvres mots. La petite étincelle dans les grands yeux bleus précède sa réplique de quelques nanosecondes. Je n'en doute pas, et s'il était là, nous pourrions réécrire l'histoire du jardin d'Éden, Adam, Ève et Gabriel. Elle se passe la langue sur les lèvres d'un air gourmand, éclate de rire, bondit sur ses pieds et me tend la main pour m'aider à me relever. « Allez debout, monsieur le poète. Nous avons encore beaucoup de travail avant de penser aux galipettes. » Elle ouvre le hayon du pajero et ajoute « Mais pourquoi pas, après tout, en hommage à notre créateur et en souvenir de Gabriel ?» Je lui donne une petite tape sur les fesses. « C'est plus fort que toi. » Son regard accroche le mien comme pour sonder mon âme. « Jeanrine, crois-tu que je ne savais pas à quoi tu pensais ?» Elle se mordit les lèvres. Mais en toute confidence, je pense exactement à la même chose que toi. Des milliers de paillettes pétillent dans ses yeux. Elle me tend l'une des petites mallettes, celle contenant l'oscilloscope. et je dois admettre que ce nouvel Éden ne me déplairait pas. Un flash dans ma mémoire, je manque laisser échapper la mallette et son précieux contenu. Je la supplie presque. « S'il te plaît, arrête. Si tu continues, je vais être incapable de distinguer ma main droite de ma gauche. » Elle n'a jamais été aussi sérieuse que lorsqu'elle me répond. « Pour mémoire, la droite, c'est celle avec laquelle tu donnes les fessées. » Je manque m'étrangler et tousse une bonne dizaine de fois. Je ne sais par quel miracle je peux reprendre mes esprits. 2 minutes après, nous sommes en plein travail. Je garde le Pajero devant les bureaux et regarde ma montre, pile 14 heures. Le programme de relevé était si dense que la matinée a filé en un éclair. Sur le chemin du retour, en compulsant ses notes, Nathalie avait l'air de jubiler et m'a expliqué pendant le déjeuner vite expédié que certains résultats étaient bizarres. En quoi des résultats bizarres peuvent-ils donner lieu à jubilation? Seul un autre géophysicien aurait pu me l'expliquer. J'en ai déduit pour ma part qu'ils étaient tout aussi jubilatoires que lorsque je découvrais un résultat bizarre dans la comptabilité analytique. Nous nous sommes offert une longue sieste dans le canapé du séjour. Enfin, c'était une sieste pour Nathalie. Moi, je l'ai regardée dormir. Je l'ai laissée à la villa dont elle avait transformé le séjour en annexe de la NASA. Cartes et schémas aux signes cabalistiques punaisés sur les murs. Feuilles de calcul, règles et calculatrices éparses sur la grande table. Elle était déjà plongée dans ses équations lorsque je suis parti, mais elle s'est quand même rendue compte que, lui faisant un bisou sur sa jolie nuque, je profitais outrageusement de la légèreté de sa tenue pour laisser traîner mes mains. Froncement de sourcils, petite tape sur les doigts indiscrets. « Jeanrine, vous devriez déjà être au travail. » La secrétaire de Paul, qui me voit entrer dans le bureau que l'on m'attribue à chacune de mes missions, se demande bien ce qui peut motiver ce sourire. Je ne suis pas connu pour mes sourires, pas plus sur les sites qu'au siège, d'ailleurs. Dans la pile de dossiers qui m'attendent, je réussis quand même à épingler une bonne demi-douzaine de trucs bizarres. Du travail d'investigation pour demain. Il est plus de 18 heures et nous sommes attendus chez Paul pour 19 heures. Nous avons encore le temps, mais avec Nathalie, on ne sait jamais. Je pensais la surprendre plongée dans ses calculs ratés. Personne dans le séjour où tout est soigneusement rangé. Lorsque j'entre dans la chambre, elle sort de la salle de bain enveloppée dans une grande serviette blanche. Un petit bisou, je lui demande. « Déjà fini ? Je m'attendais à te trouver le nez dans ta calculatrice. » Contemplant ses doigts, elle fait une petite moue dégoûtée. « Mes ongles sont tout écaillés, mains et pieds, j'ai tout à refaire. Je ne peux pas arriver chez ton ami dans cet état, j'en ai au moins pour 3 quarts d'heure. » Elle relève le nez, m'accorde un bisou éclair. « File prendre ta douche, il faut que je m'y mette. » Sous la douche, je prends mon temps. Nathalie fait ses ongles, j'en profite donc pour me raser, et opération longue et délicate s'il en est, taille ma barbe au millimètre. Chemise blanche, à pattes d'épaule et poche de poitrine, jean, Santiago, il ne me manque plus que Stetson. Décidé à m'armer de patience pour attendre Nathalie, j'entre dans le séjour. Elle m'a précédé. Sagement assise dans un des fauteuils de bambou, elle examine ses ongles d'un air satisfait. Elle m'a entendu entrer et d'un gracieux mouvement du cou relève la tête. Elle est belle à tomber, chemisier bleu roi, manches courtes, pantalon fuseau noir et chaussures à bride noire à petits talons. Elle s'est coiffée de la même façon que lorsqu'on s'est rencontrés rue d'Onou. Le flot de ses cheveux blancs retombe sur son épaule gauche. Je prends sa main, les fleurs d'un baiser. Nathalie Lorlaine, je vous soupçonnais de n'être pas tout à fait réelle. J'en ai encore la confirmation. Elle me laisse l'enlacer et lui prendre les lèvres. J'ai comme un vertige. Le rouge aux joues, elle se détache de mon étreinte et me tient à bout de bras. Vous, par contre, Jeanrine, vous êtes tout ce qu'il y a de plus réel et très élégant. Elle abaisse son regard. À la limite de l'indécence, mais très élégant. Confus, je me détourne pour tenter de dissimuler mon état. Elle éclate de rire. Allez, viens, ton ami doit nous attendre. Paul habite plus haut sur le coteau, avec celle de Sabi, c'est la plus vaste des villas destinées au cadre de direction. Paul nous ouvre. Chemise blanche, pantalon beige, pas un faux pli, rien qui ne soit impeccable. Qu'il soit une soirée, au bureau, chez lui ou en pleine brousse, ce diable d'homme est toujours tiré à 4 épingles. À côté de lui, j'ai l'air d'un mécanicien sortant de la fosse à vidange. Toujours aussi galant, Nathalie a droit à un baise-main. Ses jours et salle à manger en elle, même plan, mais deux fois plus grand que la villa où nous sommes logés. Ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est le raffinement de la décoration tant au niveau de l'ameublement que des bibelots, tableaux et gravures. Contrairement aux maisons d'expatriés meublées, décorées à minima, en entrant dans cette maison, on a tout de suite l'impression que son occupant l'habite depuis de longues années. De plus, chaque détail trahit une présence féminine. Je regarde Nathalie. Elle, dont le ressenti est à fleur de peau, n'a pas pu ne pas le remarquer. Paul nous fait asseoir dans un large canapé au cuir patiné et prend place, de l'autre côté de la table basse, dans un vaste fauteuil club. Venant de la cuisine, un jeune homme d'une vingtaine d'années, en jean, mais avec une veste blanche, entre dans la pièce. Vu sa stature, c'est un fang. Il porte un plateau garni d'un seau à champagne et d'un plat de canapé au caviar. Je le salue. « Bonsoir, Jonas. » Aussi distingué que son patron, il s'incline. « Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. » Paul fait des présentations. « Nathalie, je vous présente Jonas, mon apprenti cuisinier. Jonas, madame Lorlaine, monsieur Rin, tu connais déjà. » Jonas est un jeune homme que je forme au secret de la cuisine européenne. Il est doué et travailleur. Jonas dépose le plateau devant lui sur la table basse. Paul s'adresse à Nathalie. « J'espère que vous aimez le champagne. » Elle jette un coup d'œil à la bouteille que Paul vient d'extraire du seau à glace. Un krug rosé millésimé, il faudrait être difficile. Paul a l'air surpris, puis tandis qu'il nous sert, ne le prenez pas mal. Mais je suis assez étonné que vous ayez reconnu ce vin au premier coup d'œil. Je toussote. Outre son intérêt pour notre langue et tout ce qui est français, Nathalie a une très bonne connaissance de nos vins. Pas un château bordelais qu'elle ne connaisse. Paul s'exclame. Eh bien, scientifique et œnologue, bravo! « Merci pour ces compliments, mais je n'ai pas grand mérite à cela. Mes parents avaient une propriété dans la Napa Valley. » Après nous avoir servi, Paul s'apprête à trinquer, je crois bon de préciser, dont Nathalie a hérité ce qui fait d'elle la propriétaire d'un grand cru largement capable de rivaliser avec les nôtres. Mou et regard désapprobateur de Nathalie. Contrairement à bien de ses compatriotes, elle n'aime pas faire étalage de sa fortune. Ce regard n'a pas échappé à Paul. « Eh bien ?» À la santé d'une femme belle, brillante et modeste, God bless you. Nous trinquons avec une Nathalie rose de confusion. Dégustation de la première gorgée dans un silence religieux avec l'adagio d'Albinoni en fond sonore. La discothèque de Paul est impressionnante. Il aurait pu choisir un air un peu moins triste. Je le connais bien et plus que quiconque, je sais combien le décès brutal de son épouse l'a anéanti. Il lui a fallu un courage surhumain pour rester à ce poste. Et continue à vivre dans la maison où chaque pièce, chaque objet, lui rappelle son amour parti trop tôt. Malgré les conseils de ses amis, de ses collègues, il a refusé les autres postes que lui proposait le siège. Il a voulu rester dans cette maison où, pense-t-il, il vit encore. Je me souviens de ce qu'il me disait l'année dernière, les yeux rougis par l'insomnie. « Merci, Jean. Mais je ne peux pas partir alors qu'elle est encore là. J'aurai l'impression de l'abandonner sur une terre qui n'est pas la sienne. » Estrella avait été inhumé à Belém, sa ville natale, où il avait rapatrié la dépouille. Mais Paul pensait que son esprit était dans les murs où elle était décédée. Il n'était plus tout à fait le même depuis ce tragique événement. Il avait perdu ce rayonnement si particulier, cette joie de vivre exceptionnelle qui le caractérisait. Je l'observe pendant qu'il parle avec Nathalie. Il parle de Dallas et lui raconte comment il y a connu Estrella qui terminait ses études. Nathalie semble très émue. La bouteille de krug nous a résisté un peu plus d'une demi-heure, à peine plus que les canapés de caviar confectionnés par notre hôte. Paul me surprendra toujours. Du krug rosé et du caviar au fin fond de nulle part. Le repas n'est pas moins surprenant. Missalas flambée au cognac avec des petits os craquant à la coriandre, le tout suivi d'une selle de chevreau. Paul explique. Les missalas, c'est Jonas. Pour la selle, je lui donnais un coup de main. Nathalie s'extasie. À mon tour de vous complimenter, Paul. Avec de telles recettes, vous pourriez concurrencer les meilleures cartes de Paris. Vous êtes un cordon bleu, doublé d'un vrai sommelier. Les vins étaient parfaits. Le moins que l'on puisse dire est que Paul ne boude pas son plaisir. Merci, Nathalie, mais Jonas y est aussi pour beaucoup. Nous repassons au salon et pendant que Jonas débarrasse, nous dégustons l'infusion de citronnelle qu'il vient de nous servir. Je ne sais si c'est de parler de Dallas et d'Estrella ou d'en parler avec Nathalie qui a transfiguré Paul. La joie est revenue dans ses yeux et sur son visage. Il y a longtemps que je ne l'ai vu sourire ainsi. Un miracle. mais davantage comme miracle, je crois, au pouvoir magique de Nathalie. Elle est en elle-même un miracle. Comment n'en fera-t-elle pas ? Toujours avec le même sourire, Paul se lève. Je vais vous faire goûter quelque chose. Il ne va pas très loin et revient du buffet avec une bouteille et trois verres. Un whisky qu'un ami m'a rapporté d'Irlande l'année dernière. C'est très particulier et j'aimerais avoir votre avis. Il pose sur la table une bouteille de Redbreast. Nathalie et moi échangeons un regard amusé qui n'échappe pas à Paul. Vous connaissez ? C'est Nathalie qui répond. Mon père n'en buvait pas d'autre et bien sûr c'est celui que je préfère. Paul s'assied, l'air étonné. Il a disposé un verre devant chacun de nous et nous sert. C'est vraiment un curieux hasard. Nathalie prend son verre, hume le parfum, elle commence. Je reconnais. Toffee, guimauve grillée et sirop d'érable. Elle goûte et complète. Texture mielleuse, saveur de fruits et raisins dorés. C'est bien un Redbreast. Il n'y a vraiment aucun hasard, Paul. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine irlandaise et tous les Irlandais connaissent le Redbreast. Oh, votre nom est irlandais, je vous croyais écossaise. Petit rire de Nathalie. Au 5e siècle, avec notre langue, nous avons transmis aux Pictes l'art de faire du whisky. Nous trinquons, mais Paul est visiblement intrigué par ce que vient de lui dire Nathalie. Mais les Écossais ne parlent-ils pas gaélique ? Nathalie boit une gorgée de Redbreast et repose son verre. Un gaélique qui a légèrement divergé au cours des siècles par rapport au gaélique irlandais. Je ne voudrais pas paraître chauvine ou prétentieuse, mais la langue et la culture gaélique sont originaires d'Irlande et se sont propagées en Écosse à l'époque du royaume de Dalriata au 5e et 6e siècle. Paul en oublie de déguster son whisky. Et je parie que vous le parlez. Sourire de Nathalie. Pari gagné, mais je ne parle pas le vieux gaélique, seulement le gaélique moyen, que l'on pourrait qualifier de gaélique moderne. Paul avale une ampée de whisky et repose son verre. Pourriez-vous nous dire quelques mots ? Je n'ai aucune idée de ce à quoi peut bien ressembler cette langue. Si vous voulez. Nathalie se concentre quelques secondes. Goraib mait agat stoshuit falesh. Bigashein again agusdold mait anosht feyo festa. Les yeux ronds de Paul marquent son étonnement. « Et que venez-vous de dire ?» Nathalie traduit. « Merci pour votre accueil. Tout ce que nous avons mangé et bu ce soir était un vrai festin. »« Merci à vous d'être là, et merci pour ces quelques mots de gaélique. C'est une très belle langue, très belle et très étrange à la fois. Tout comme le portugais, cette langue doit être magique lorsqu'elle est chantée. » Mon regard plus qu'appuyé vers Nathalie est tout sauf innocent. Intrigué, Paul demande. Vous connaissez des chansons en gaélique ? Pour la forme, Nathalie me fait une moue grondeuse. Je sais qu'elle est toujours ravie de faire connaître la culture de ses ancêtres. Oui, quelques-unes, j'en rajoute. Mais d'ordinaire, elle s'accompagne à la guitare. Pris d'une impulsion soudaine, Paul se lève. Ne bougez pas, je reviens. Et disparaît dans le couloir, au bout du séjour. Il est de retour 2 minutes plus tard avec une guitare dans son étui. Il se rassied sur l'instrument de sa housse et le tend à Nathalie. Tenez, c'était la guitare d'Estrella. Elle s'accompagnait avec lorsqu'elle chantait des airs de son pays. Émue, Nathalie hésite. Vraiment ? Vous croyez ? Peut-être que... Paul insiste. Si, si, bien sûr, c'est ce qu'elle voudrait. Nathalie prend la guitare avec précaution, passe la bretelle à son épaule et la cale contre son corps. Ses doigts caressent le bois. Doucement, elle fait sonner chaque corde. Paul lui tend un médiator qu'elle passe à son pouce. Je me souviens d'une chanson que chantait mon oncle et qu'il m'avait apprise quand j'étais enfant. C'est le chant d'un homme. Il dit la douleur d'un amour non partagé avec Bridget O'Malley qui en a épousé un autre. Une note, puis deux. Entre ses mains, l'instrument se change en harpe. La mélodie, d'abord ténue, s'amplifie doucement jusqu'à prendre tout l'espace et nous imprégner de cette magie propre à la musique traditionnelle irlandaise. Un silence et la voix de Nathalie vient se superposer puis se fondre à la mélodie. Je l'ai déjà entendu chanter en gaélique, mais pas avec cette voix-là. Là, c'est une voix si cristalline que l'on a la sensation qu'elle pourrait se briser à tout instant. Nathalie est un caméléon vocal. Je la savais capable de changer de voix à volonté, mais là, Paul et moi assistons à un prodige. Je ne sais même plus si c'est Nathalie qui chante devant nous. Une fée irlandaise, peut-être. Même son visage a changé. Les premiers mots s'envolent. Flocons de neige dans le vent de la lande. Isabrid Ogonimail. Studifag Moshroy Krait. Oh, Bridget O'Malley, tu as brisé mon cœur. Les vers succèdent aux vers et s'entrelacent tels des colliers de perles. Couplets, refrains, les feuilles des chênes bruissent dans le vent. Le vent court dans les ballons et descend vers la mer où il disperse l'écume des vagues. Je regarde Paul. Il est comme hébété, la bouche entrouverte, fasciné par Nathalie, emporté sur les ailes du chant magique. Les larmes qui perlent à ses paupières sont celles d'un indicible bonheur. Le chant s'achève en un murmure. Nathalie n'en a pas fini avec nous. Il nous reprend sur les ailes de sa voix et de nouveau nous emporte, encore et encore. Je ne sais combien de fois elle a chanté, combien de fois elle nous a fait frissonner. Lorsque la dernière note s'envole et que son visage redevient celui de Nathalie, Paul et moi restons muets, incapables de dire ne serait-ce que merci. C'est Nathalie qui se lève pour déposer la guitare sur un fauteuil avec mille précautions. Ce geste et son sourire nous sortent de notre transe. Paul prend son verre et boit une longue gorgée de Redbreast. Il manque s'étrangler, tousse, se reprend. Vous nous avez ensorcelés. Je suis certain qu'outre votre voix, vous avez un pouvoir magique. Bravo, c'était si beau, tout simplement. Discrètement, je regarde l'heure. Je confirme, Nathalie a bien un pouvoir magique. Elle a replié le temps. Plus d'une demi-heure a passé sans que nous en ayons eu conscience. Paul a été envoûté par la magie de Nathalie, qui ne le serait. C'est incroyable. Pour être imprégné à ce point de cette culture, vous avez dû vivre sur cette terre dans une autre vie. Nathalie est encore transfigurée par cette incursion au pays des elfes. Mes parents m'ont élevé dans cette culture. Ils possédaient une petite maison non loin de Galway dont j'ai hérité, et dans laquelle je vais passer quelques jours chaque année pour renouer avec ma terre. Depuis toute petite, tant avec mon père pour l'histoire qu'avec ma mère pour la musique, j'étais imprégné de la culture de ce pays et je continue aujourd'hui à approfondir cet enseignement. Paul est comme suspendu aux lèvres de Nathalie. Je bois moi-même ses paroles et suis tellement sous le charme que je manque en oublier le vouvoiement. Je me rattrape de justesse. Hélas, je ne connais de votre pays que les événements qui l'ensanglantent au quotidien. Je me rends compte qu'en fait, je suis totalement ignorant de son histoire dans laquelle doivent nécessairement se trouver les raisons qui font que l'on s'y entretue aujourd'hui. Un voile de tristesse passe dans le regard de Nathalie. Vous avez 100 fois raison. C'est bien dans l'histoire de l'Irlande que se situe l'explication de la situation actuelle, et plus précisément dans l'histoire d'une colonisation qui dure depuis 8 siècles. Je suis peut-être un peu moins surpris que Paul par ce raccourci, mais ne peux m'empêcher de réagir. Si l'on m'avait interrogé sur le sujet, j'aurais répondu 3 siècles, et je n'aurais peut-être pas employé le terme de colonisation. Pour ma part, je faisais remonter la présence anglaise en Irlande au XVIIe siècle avec Cromwell. Sourire de Nathalie. Vous n'êtes pas aussi ignorant de cette histoire que vous le prétendez. Peu de gens remontent à cette date, mais vous êtes quand même loin du compte et c'est bien d'une colonisation dont il s'agit. Comme si ce qu'elle allait nous dire la bouleversait déjà, Nat prend une grande inspiration. Son visage si doux tout à l'heure se ferme, se durcit. L'invasion anglaise de l'Irlande débute en 1155, avant Henri II, ou plutôt avec Adrien IV, seul pape anglais de l'histoire qui confère au roi d'Angleterre la suzeraineté sur l'île avec pour objectif de remettre au pas l'église irlandaise allergique à l'organisation hiérarchique du clergé romain. Paul remarque, 1155, cela fait donc bien 8 siècles. Nathalie note mon froncement de sourcils qui marque d'ailleurs davantage la perplexité que la désapprobation. En fait, John n'a pas tout à fait tort, mais à partir de quel niveau d'occupation convient-il de parler de colonisation? Pour les Irlandais, c'est la date à partir de laquelle les Anglais s'installent sur l'île. Au début, ils ne vont occuper que la région littorale autour de Dublin et vont très vite s'assimiler aux natifs devenant plus Irlandais que les Irlandais eux-mêmes. Paul fait remarquer à Nathalie. Je crois qu'à partir du moment où l'occupant est assimilé par l'occupé, on ne peut pas vraiment parler de colonisation. Petit temps de réflexion de Nathalie. Vous avez raison, et je n'en veux pour preuve que les incursions vikings en Irlande qui débutent vers l'an 800 et vont durer pendant plus d'un siècle. Le mode de vie et les traditions celtes se révéleront assez forts pour assimiler les envahisseurs. Elle rit. Il se trouve qu'en gaélique, mon propre nom, Nic Lorlane, signifie la fille du viking. Je suis donc très certainement la descendante d'un lointain ancêtre venu du Danemark, née au Texas et qui se sent par-dessus tout irlandaise. Paul semble un peu perdu. Je croyais que les Celtes venaient d'Europe centrale. C'est exact. Les Celtes se sont installés en Irlande il y a environ 4000 ans. 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'Irlande et l'Angleterre ne sont pas encore des îles. Elles sont toujours couvertes d'une importante calotte glaciaire. Des chasseurs-cueilleurs venant d'Europe s'y installent 9000 ans avant Jésus-Christ. En moins de 2 siècles, la fonte partielle des énormes calottes polaires nord et sud fait monter le niveau des mers et isole l'Irlande et l'Angleterre du reste du continent européen. Je demande, ces populations étaient celtes? Non. Les Celtes s'installent massivement en Irlande au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ et celtisent les autochtones dont la population de cette époque est estimée à 10 ou 20 000 individus, pas davantage. Je souris. D'après la définition de Paul, les Celtes sont donc des colonisateurs. Il y a colonisation lorsqu'il y a contrainte. Quoi qu'il en soit, c'était il y a 4000 ans. Les Grecs n'avaient pas encore inventé la démocratie, alors que l'Angleterre, qui se prétend la première véritable démocratie du monde depuis 1688, maintient encore aujourd'hui un peuple sous le joug et étouffe toute contestation par la violence. Il semble que la Grande Charte de 1214, Magna Carta, et l'Habeas Corpus de 1679 ne concernent que les Anglais, pas les Irlandais. J'observe Nathalie. Le ton de sa voix me rappelle le jour où elle s'était fâchée alors qu'au prétexte d'être un homme, je ne pouvais accepter qu'elle paye le voyage à Miami. Outre les machos, elle ne supporte manifestement pas les tyrans. Sa poitrine et ses joues rosies par l'émotion en témoignent. Il y a de l'admiration dans le regard de Paul. Le comble étant que ce sont les mêmes qui se permettaient de fustiger la France pour sa politique coloniale. La France a réglé ce problème depuis 1962 et 22 ans plus tard, l'Angleterre continue d'opprimer l'Irlande. C'est l'armée britannique qui est dans les rues de Belfast, pas l'armée française. La France n'a pas, que je sache, tenter d'éradiquer le vietnamien, le khmer ou le lao, pas plus que l'arabe, alors même que pendant des siècles, l'Angleterre a essayé de bannir par la contrainte l'usage du gaélique, que ce soit en Irlande ou en Écosse, autres pays colonisés et soumis par la violence. Demandez donc à un Écossais ce qui s'est passé dans les Highlands après la bataille de Culloden le 16 avril 1746. Vous serez édifié. La politique et les méthodes britanniques n'ont guère changé depuis cette époque. Cette passion militante a de quoi surprendre. Une scientifique américaine, totalement engagée pour une Irlande libre, c'est inattendu. Je connaissais l'attachement de Nathalie pour la terre de ses ancêtres, mais n'avais pas perçu à quel point cet attachement était viscéral. « J'ai l'impression que vous n'aimez pas les Anglais. » Son regard est direct, sa voix ferme et assurée. « Ce ne sont pas tant les Anglais que je n'aime pas, mais plutôt l'Angleterre, son cynisme et son hypocrisie. » Il est vrai cependant que je les aimerai davantage lorsqu'ils auront définitivement quitté la totalité du territoire irlandais, ce qui n'est qu'une question de temps. J'en reste bouche bée. Un flash. Nathalie, sur une barricade, la liberté guidant le peuple. La discussion passionnée et passionnante va se poursuivre. Nathalie nous fait remonter jusqu'en 1919. C'est le début de la guerre d'indépendance irlandaise avec son cortège de répression et d'atrocités commises par l'armée et la police britannique. En 1922, après la guerre d'indépendance, les 26 comtés du Sud deviennent l'État libre d'Irlande. L'indépendance totale est proclamée en 1948. Les 6 comtés du Nord-Est restent attachés à la couronne britannique et pour eux rien ne change. La même ségrégation linguistique, économique, politique et religieuse, pratiquée depuis des siècles dans toute l'Irlande envers les catholiques, aboutit à la création des ghettos de Belfast. C'est dans ces ghettos que s'installe la résistance qui débouche sur le conflit que les Anglais appellent hypocritement les troubles. Les mâchoires crispées, Nathalie conclut notre survol de l'histoire de cette île martyrisée. Les Irlandais pensaient avoir connu le pire avec les féroces répressions britanniques qui avaient émaillé les siècles. C'était compté sans Madame Thatcher, cette grande démocrate, qui a institutionnalisé la détention arbitraire et la torture. Nous sommes en 1984, et l'Angleterre se comporte comme les nazis qu'elle a combattus. Un lourd silence suit ces paroles chargées de colère. Lorsque nous prenons congé en le remerciant chaleureusement, Paul ne peut s'empêcher de serrer Nathalie dans ses bras. Estrella aurait été heureuse de discuter de ce sujet avec vous. C'était une passionnée d'histoire.